Nous reprenons la mer, l'âme navrée. Mes gens n'avaient plus de courage à peiner sur la rame. Après notre folie, où retrouver un guide? Durant 6 jours, 6 nuits, nous voguons sans relâche. Nous touchons, le 7e, au pays l'Estrigon. Nous entrons dans ce port bien connu des marins. J'en vois pour reconnaître quel mangeur de pain appartient à cette terre. Les 2 hommes choisis, auxquels j'avais adjoint en 3e un héros, s'en vont prendre à la grève une piste battue sur laquelle les chars descendent vers la ville. Mais à peine arrivés, ils y trouvent une femme, aussi haute qu'un mont, dont la vue les atterre. Elle, de l'Agora, s'empresse d'appeler son glorieux époux, le roi Antiphates, qui n'a qu'une pensée, les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens, dont il fait son dîner. Les 2 autres s'enfuient et rentrent au navire. Mais à travers la ville, il fait donner l'alarme. À l'appel de partout, accourent par milliers ces lestrigons robustes, moins hommes que géants, qui du haut des falaises nous acclament de breloques de roches à charge d'hommes. Équipage mourant et vaisseaux fracassés, un tumulte de morts monte notre flotte. Puis, ayant harponné mes gens comme des thons, la troupe les emporte à l'horrible festin. Mais pendant qu'on se tue dans le fond de la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse, et j'ai tranché tout net le câble du navire à la proie azurée. J'active alors mes gens, j'ordonne à mes rameurs de forcer d'aviron si l'on veut s'en tirer. Ils voient sur eux la mort, ils poussent tous ensemble et font voler l'écume. Aux joies, voici le large, mon navire a doublé, les 2 caps en surplomb. Mais là-bas a péri le reste de l'escadre.